Bonjour le buteur, c'était pour vous remercier de votre émission parce que là on est dans les bouchons, on rentre de vacances et ça, on a passé une heure de bonheur avec vous. Voilà, bisous à toute l'équipe. Ouais, bah c'est ça mon premier souvenir avec X-Men. Alors bon, j'ai beau ne pas avoir lu la BD, mais pour moi ma période préférée c'était l'époque Jim Lee, Joe Madden, parce que ça aboutit forcément à la série, mais aussi au putain de Versus Fighting édité par Capcom, que ça soit X-Men, Children of the Atom ou alors bientôt les Marvel Versus Capcom, qui ont été carrément déterminants pour moi. Ouais, bonjour. Ici le conducteur de l'émission Blockbusters d'hier consacrée aux X-Men. Je tenais à faire une petite remarque. Je constate qu'on a oublié la rubrique J'aime pas. Voilà, je venais juste à faire cette petite exclamation. Parce que c'est quand même une rubrique assez importante de l'émission. Bisous. Je vous appelle pour vous remercier pour l'émission X-Men. Grâce à vos intervenants, vous avez très bien démontré comment les comics ne sont en rien une terre d'extrême droite, comme certains tentent de le récupérer aujourd'hui. Merci pour la qualité de ces échanges. Continuez, on espère une nouvelle émission sur le comics l'an prochain. Bon été. Ah, je suis super contente de vous parler des Cités d'or. To be or not to be, not to be. C'est vertueux de prêter ses affaires. Ça, c'est quelque chose que je devrais dire si j'étais quelqu'un de bien. Le souci, c'est que je suis un geek et que ma bibliothèque de livres ou de DVD est mieux équipée que la médiathèque de ma ville. Donc quand des amis viennent à la maison, il est pas rare qu'ils disent « Oh, t'as le coffret de cette série, ça fait des années que j'en parle à mon mec, il l'a jamais vu !» Et là, il y a un point de suspension. C'est généralement là que ma compagne, qui est extrêmement généreuse, surtout quand il s'agit de mes trucs, leur répond « Bah si tu veux, on vous le prête !» Et là, si tu dis non, tu vas passer pour un gros rat, et si tu dis oui, il y a des chances que tu le revois plus jamais, ton coffret DVD. Parce qu'il n'y a rien de plus délicat que de récupérer ce que t'as prêté aux gens. Déjà, faut se souvenir à qui tu l'as prêté. Moi, ça va, j'ai un petit carnet où je note l'heure, le jour et le nom de la personne à qui j'ai prêté. Et ensuite, quand je le récupère, j'évalue l'état de l'objet et je mets des étoiles à côté du nom. 3 étoiles, je suis prêt à te faire de nouveau confiance, je te reprêterai quelque chose. 2 ou moins, tu peux aller te faire cuire le... Enfin bref, c'est un système assez fiable. Néanmoins, tout système a ses failles. Et il y a plus de 13 ans de cela, j'ai prêté le coffret des mystérieuses cités d'or à mon amie Anne-Claire que je vois une fois tous les 5 ans. C'est une amie que j'aime très fort. À chaque fois qu'on se voit, on a plein de choses à se raconter, nos enfants, nos amours, nos séparations, des décès. Mais je peux pas lui dire, écoute ton divorce Anne-Claire, c'est super triste, mais moi la seule chose que j'ai envie de te demander, c'est quand est-ce que tu me le rends mon coffret des cités d'or ? France Inter, Blockbuster, jusqu'ici ça va. Frédéric Sigrist. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérerait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Il y a des dessins animés que tout le monde connaît. Dragon Ball, Olive et Tom, Tom et Jerry. Et puis, il y a des dessins animés que tout le monde aime. Albator, Ulysse 31, Cobra. Vous avez vu comment je tease discrètement les prochains épisodes de Blockbuster ? Et la série qui nous intéresse aujourd'hui, Les Mystérieuses Cités d'Or. En 1983, grâce à l'émission Récréa 2, la France découvre les aventures d'Esteban, Tao et Zia, 3 enfants à la recherche d'une cité d'or sur fond de conquête espagnole du XVIe siècle. Fruit d'une collaboration franco-japonaise, comme Ulysse 31, les cités d'or sont l'œuvre effectivement d'un studio japonais, mais surtout de 2 hommes, Jean Chalopin et Bernard Derriez, qui étaient loin d'imaginer que leur création deviendrait 37 ans plus tard un objet de culte, qui a même continué sa vie avec de toutes nouvelles saisons. Pour revenir sur cette Madeleine de Proust, j'ai avec moi Jean-Luc François, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur des saisons 2, 3 et 4 des Mystérieux Cités d'Or et vous avez travaillé au développement et collaboré à l'écriture avec les auteurs et les ayants droit, Jean Chalopin et Bernard Derriez, fait des documentaires de fin d'épisode, les découpages, la direction artistique avec Fernando Lira, le montage, le mixage, etc. Voilà, c'est ça. Je suis le réalisateur, en fait. Voilà. Oui, c'était beaucoup plus court et plus simple. Voilà. Voilà, ouais, ouais, j'aurais pu faire ça aussi. On pense toujours que réalisateur de dessin animé ne fait pas la même chose qu'un réalisateur de films en live ou de séries. Mais si. Mais si. Bon, bah, dites-le moi avant que j'attaque des pavés comme ça. Non, parce mais c'était que... bien aussi. Non, mais c'était bien. J'ai l'impression que j'ai vachement bossé. Mais c'est bien, c'est bien. Avec toi également, Éric Polmaret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste et vous avez écrit les arcs narratifs et pratiquement tous les scénarios des saisons 3 et 4 des Mystérieux Cités d'Or. Et vous avez aussi écrit plusieurs scénarios sur la saison 2. C'est ça. Et de retour avec nous, Alexandre Letraine, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste série pour VL Media et vous racontez la fabrication des séries et des dessins animés dans chaque épisode de La Loi des séries. Exactement. Ensemble, on va retracer l'histoire des Mystérieux Cités d'Or, cet âge d'or de l'animation franco-japonaise. On reviendra sur ces personnages qui nous ont accompagné une bonne partie de nos vies, Esteban, Zia, Tao et l'ambigu Mendoza. On verra en quoi l'apport de Jean Chalopin et Bernard Derriez a été déterminant dans le look et l'approche de la série. On parlera des musiques inoubliables de Haïm Saban et Chucky Levy. Et on n'oubliera pas ces mythiques documentaires narrés par ce grand monsieur de théâtre qui était Jean Topard. Hey, mais d'où vient cette médaille que tu as là? Et regarde, j'ai exactement la même. Hein? Ah oui, je l'ai depuis que je suis tout petit. Je l'avais autour du cou quand on m'a trouvé. Elles sont exactement pareilles, mais la tienne n'a pas le morceau central, le soleil. Oui, c'est Mendoza qui l'a. Il l'a gardé depuis le jour où il m'a sauvé d'un naufrage. Je n'aime pas Mendoza, c'est un homme méchant. Oh, il n'est pas si méchant que ça, puisqu'il m'a sauvé la vie. Et puis c'est lui qui m'a fait embarquer pour cette traversée. Oui, c'est lui aussi qui m'a enlevé pour aller voler les richesses de mon pays. Quoi? Il est comme tous les Espagnols, il n'y a que l'or qui intéresse Mendoza. Vous venez d'entendre un échange entre Esteban et Zia, doublé en français par Jackie Berger, qui est également le doubleur de Jeanne Azuki dans Jeanne et Serge, mais aussi d'Arnold dans Arnold et Willy. Et là, tout d'un coup, dans la tête des auditeurs, ça fait « Quoi ? Esteban, c'est Arnold ?» Et oui, et oui, et oui. Et Zia est doublée par Isabelle Gantz, qui, elle, doublait Flora dans Jace et les Conquérants de la Lumière. Tout se recoupe, tout est connecté. Alexandre Letran. Les Cités d'Or, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que ça raconte ? Oh bah c'est assez simple, c'est un jeune garçon qui est à Barcelone, qui vit à Barcelone et qui a la réputation d'avoir une espèce de pouvoir, en tout cas de connexion avec le soleil, puisqu'on dit qu'à chaque fois qu'il pleut par exemple sur la ville de Barcelone, sa présence suffit à faire ramener le soleil. Et évidemment, il est entraîné, il a été sauvé plus petit, comme on l'a entendu, par Mendoza lorsque le bateau où il y avait son papa a coulé. Mendoza l'a gardé contre lui avec le fameux pendentif qu'il avait autour du cou et il va entraîner évidemment. D'ailleurs, il l'a gentiment délesté de son pendentif, oui. D'un morceau de son pendentif. Oui, parce que ça c'est, on le voit dans le dessin animé, Mendoza, il apparaît évidemment gentil, il a une bonne voix, il a un bon charisme. En fait, c'est quand même un mec particulièrement intéressé, on dirait très cupide, et donc il va entraîner Esteban sur les routes de la conquête de l'Amérique du Sud et des conquistadors tels qu'on les connaissait et qui ont fait partie de l'histoire. Et sur le bateau qui les emmène en Amérique du Sud, il va rencontrer une jeune fille qui a été enlevée à son peuple et qui est Zia. Et ils vont croiser plus tard un troisième petit garçon sur une île des Galapagos qui s'appelle Tao, voilà, qui est un héritier de l'empire de Mu. Qui est justement celui, cet empire de Mu qui a donné naissance lors de son affrontement avec l'Atlantide à la création de ces mystérieuses cités d'or qui sont réparties sur la carte. C'est l'élément fantastique de la série. Voilà. Jean-Luc François, comment est né ce projet? Parce qu'on l'entend dans ce résumé, c'est quand même une série assez ambitieuse pour des enfants. Tout à fait. Jean Chalopin et Bernard Derriez qui ont essayé, je pense que c'était dans les années 90 et même dans les années 2000, de faire une suite. Et ça n'a pas marché. Et à un moment, Bernard avait une boîte de dessin animé qui s'appelait, j'ai oublié Story. Le nom, Story, merci Eric. Et il était dans les mêmes locaux que mon producteur, Eric Jacquot, donc qui avait sa boîte qui s'appelait Blue Spirit. Enfin, qui s'appelait pas Blue Spirit, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, ils ont dû se parler à un moment. Et puis, cette idée de suite a germé à partir de ce moment-là. On a commencé un développement, c'est tellement vieux que je me souviens plus, peut-être en 2010. On a donc commencé à discuter avec Jean, etc. Mais je posais la question sur le projet d'origine, c'est-à-dire à la base, quand Jean Chalopin et Bernard Derriez ont lancé... Là, c'était pas comment clair. Ils ont rejoint le bateau. Et ils ont rejoint le bateau puisqu'ils étaient déjà au Japon, puisqu'ils avaient déjà fait une série... Ulysse 31 donc au Japon, et donc je pense que ils ont raccroché le wagon de cette série qui est déjà pas mal développée au Japon, puisque les Japonais étaient très intéressés d'avoir un coproducteur français. Eux, ils étaient très intéressés de continuer à je pense aussi à connaître la grosse expérience qu'avaient déjà les Japonais à cette époque-là pour faire des dessins animés. Dans les années 80, c'est grâce au plan image qu'a fait Jack Lang qu'on a commencé à retrouver à nouveau le grand moment du dessin animé français. Oui, parce que c'était l'époque aussi de chaînes publiques où il y avait vraiment très peu d'espace pour des dessins animés. C'est la différence avec le Japon, c'est qu'au Japon, il y a 6 chaînes qui peuvent diffuser des programmes, dont 5 qui sont privées. Donc il y a beaucoup d'espace, donc effectivement des chaînes comme Fuji TV se lancent dans la production de dessins animés. Ils vont même adapter des romans français. On voit Belle et Sébastien par exemple, qui a été adapté par les Japonais. Et à un moment donné, il y a le studio NHK qui décide de se lancer dans l'aventure en se disant « Nous aussi, on va produire des dessins animés ». Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se démarquer des autres qui produisaient plutôt des séries avec des petites filles comme héroïnes. Et là, ils disent « On va lancer des séries avec des petits garçons ». Des récits initiatiques Des récits initiatiques. Donc, ils se sont intéressés à un ouvrage qui était sorti en 1966 qui s'appelait « The King Fist » et qui, au Japon, va sortir... O'Donnell. De O'Donnell, qui va sortir en 78, je crois, au Japon, sous le titre « Les Cités d'Or ». Et en France, par contre, à l'opposé, il y a très peu de créneaux. Il y a l'éclatement de l'ORTF, très peu de créneaux pour diffuser des programmes. 1975, donc l'ORTF disparaît. Il y a des programmes qui arrivent à l'antenne, les émissions de Christophe Izard et Récréa 2. Et donc, effectivement, les Français n'ont pas les moyens d'agir et de produire tout seuls des dessins animés. Donc, ils décident de s'associer avec des producteurs japonais. C'est comme ça. C'était déjà ce qui s'était passé pour Ulysse 31. Et ils ont une réputation au Japon. Derriez et Chalopin, avec un studio qui s'appelle La Dick, vont avoir une solide réputation et ils vont s'associer avec un créateur au Japon qui s'appelle Kaneko et qui va lui aussi, qui veut produire, adapter les Cités d'Or avec ce mélange donc de doc et de dessins animés. Et ils agiront de la même manière avec Jace et les Conquérants de la Lumière, mais avec les Américains cette fois-ci. Exactement. Pour pouvoir vendre des jouets. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris dès 78 avec le succès du générique de Goldorak. Ils ont compris qu'il y avait matière en anticipant avant le merchandising d'assurer le financement d'un projet. Et donc sur les Cités d'Or, c'est notamment toute la partie chanson qui permet de comprendre, et la musique aussi, mais la partie chanson avec le générique de Jacques Cardona qui est quand même assez iconique. Éric Polmaret, vous êtes dans la même situation que moi, vous avez reçu les Cités d'Or en tant que spectateur avant d'en devenir le scénariste. 83, oui, et j'avais 14-15 ans. Hein. Et comment ça s'est passé cette rencontre? Ben, c'était une série qui d'emblée était différente des autres. C'est ça qui m'a vraiment surpris. J'aimais bien le dessin animé. Bon, j'avais 15 ans, donc j'étais un peu vieux pour les regarder, mais je les regardais sous c'était l'angle. C'est tellement triste ça. ça sera peut-être mon métier. Enfin bon, on trouve toujours des excuses pour regarder le dessin animé. Et puis alors celle-là, brusquement, c'était du cinéma. Une série, le principe de la série, c'est la récurrence. Donc c'est toujours les mêmes décors, toujours un petit peu les mêmes lignes narratives. Et puis là, brusquement. On se baladait, c'était un grand voyage. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'étais comblé. Il y avait cette petite touche science-fiction qui me rappelait en fait les bouquins qu'on lisait beaucoup, nous, quand j'avais 12-13 ans. Toute la collection L'Aventure Mystérieuse, les bouquins rouges. Ça avait littéralement envahi la France, ce truc-là. Et c'était en fait toutes les théories qu'on trouve dans les Cités d'Or, on les trouvait dans ces bouquins. La Mu, l'Atlantide, les grands ancêtres, enfin. Et donc tout ça, ça faisait résonance. Et je me suis complètement immergé dans cette série. Je l'ai vue et revue. Et quand j'ai entendu qu'on faisait la suite, j'étais pas sur la liste des scénaristes. Hein. On m'avait oublié. Oh non, on ne l'est pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez poussé quelqu'un dans les escaliers. Je suis carrément allé voir TF1. Je connaissais quelqu'un à TF1. Et là, pour le coup, j'ai pris le truc à l'abordage. Et parce que je voulais pas laisser passer ça. C'était pas possible. Alors j'ai une certitude dans cette émission, c'est que ce soir et demain, vous allez avoir une chanson dans la tête. Et à mon avis, il y a des chances que ça soit celle-ci. On va écouter le générique des Mystérieux Cités d'Or par le groupe Apollo. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton... tu recherches les idées d'or. C'était le générique des Mystérieuses Cités d'Or, interprété par le groupe Apollo. Vous êtes dans Blockbuster sur France Inter et nous sommes toujours avec le réalisateur Jean-Luc François, le journaliste Alexandre Letraine et le scénariste Éric Polmaret pour parler du dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or. Le moment est venu, Esteban, de prendre la plus grande décision de ta vie. Le moment est venu pour toi de quitter Barcelone. Ton père était plus brave, il n'aurait pas hésité. Quoi ? Alors, vous connaissiez le père Rodriguez ? Non, ton vrai père, celui qui te tenait dans ses bras quand un marin t'a sauvé du naufrage. Ce marin, c'était moi. Oh ! En voici la preuve. Ça alors ? Ceci est l'autre moitié du médaillon que tu portes depuis ton enfance. Je n'en avais pas le droit, mais je l'ai pris après t'avoir sauvé. Hé, là, doucement, jeune homme, je ne peux pas te le rendre comme ça. Mais il est à moi. Depuis 10 ans, je me suis renseigné sur ce pendentif. Et maintenant, je suis certain qu'il provient de ces mystérieuses cités d'or. Les mystérieuses cités d'or ? Voyez, mon garçon, je crois même que ton père et toi veniez d'une de ces cités là-bas, dans ce nouveau monde, à l'ouest, au-delà des océans. Vous venez d'entendre l'incroyable voix de Mendoza, Jean-Claude Ballard. Et alors, Alexandre Letraine, je ne sais pas si ça vous faisait pareil, mais moi, j'ai toujours considéré qu'on n'était pas vraiment un adulte tant qu'on n'avait pas la voix de Mendoza. Donc, vraiment, je ne suis encore pas un adulte, donc j'ai le droit de regarder des animés. C'est assez incroyable, cet acteur. Mais un peu comme la voix de Jean Topard sur les documentaires de fin. Enfin, Jean Topard, c'est quand même, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est la voix de, c'est le héros de Rocambole, le méchant de Rocambole. Et je crois qu'il a été aussi la voix dans Rémy sans famille. Oui. C'est lui qui faisait le narrateur de Rémy sans famille. Et la petite voix de Jean Topard à la fin, au revoir, à bientôt. Enfin, la petite voix. La belle voix, bien. Mais je suis d'accord, c'est l'incarnation du personnage viril par excellence de Mendoza. Quoi. Mais d'ailleurs, et là je vous pose la question, je me demande si c'est pas ça qui a fait des Cités d'Or une série singulière, parce que. Comme il y avait ces voix très très graves, dès les premiers épisodes, on voit des personnages d'adultes ambigus, ce qui est assez rare à l'époque. On voit bien que les enfants ont leur agenda à eux, leurs histoires, et les adultes qui ne leur veulent pas forcément du bien. Ça se termine par un documentaire avec des images de réel. On voit des reconstitutions, on voit des pyramides. Il y a ces voix de théâtre qui parlent comme ça et qui disent au revoir. Et un sacrifice. Et on a l'impression finalement de ne pas voir un dessin animé, mais d'avoir une sorte de fenêtre vers un monde. Le monde des plus grands, et on permet aux enfants d'y jeter un œil. Est-ce que ça concourt pas aussi du succès de la série ? Certainement, mais c'est en fait une espèce de tradition littéraire. Je trouve qu'avec les Cités d'Or, on se rattache à une certaine littérature pour la jeunesse du 19e siècle, où on avait toujours ces enfants confrontés au monde des adultes, qui devait se frayer un chemin au milieu d'adultes qui n'étaient pas toujours sympas, que ça soit Dickens ou que ça soit Dumas. Même Jim Hawkins dans L'île au trésor. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force des Cités d'Or. Peut-être son échec dans certains pays, bizarrement. Mais même certainement au Japon, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais je pense que ça nous parlait à nous. Bien sûr, parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont confrontés à des adultes qui leur veulent pas forcément du bien. Ouais. Et c'est ça, d'un seul coup, de se retrouver devant des personnages ambigus, devant en fait quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, réaliste. Puisque et très littéraire. Moi, je me souviens, à l'école, les profs, ils m'aimaient pas. Hein. Et puis il y a cette dimension aussi de colonisation, d'impérialisme qui est quand même déjà assez forte. Voilà, la conquête espagnole, l'envie de s'accaparer les richesses des gens, les enlèvements. Zia a été enlevée et élevée à la cour d'Espagne. Donc il y a aussi cette dimension qui est très polémique et qui est encore assez peu visité dans les dessins animés même contemporains. Mais quand on regarde un peu tout ce qui se faisait à l'époque dans beaucoup de dessins animés, c'était quelque chose qui était extrêmement présent. On avait la sensation quand on était un téléspectateur devant les Cités d'Or, mais comme d'autres dessins animés, comme quand devant Cobra, devant Lady Oscar, on avait l'impression que quand on rentrait dedans, on avait l'air un peu plus intelligent quand on en ressortait. Et effectivement, les Cités d'Or, il y a cette espèce de côté pas du tout politiquement correct, on inspecte effectivement tous les travers qu'ont pu avoir la conquête espagnole sur le Nouveau Monde. Alors on le fait évidemment à hauteur d'enfant, mais on le fait aussi à hauteur d'adulte. Moi c'est ça toujours qui m'a plu dans les Cités d'Or, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la série peut se transmettre d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que quand on est un adulte et qu'on met les DVD des Cités d'Or aujourd'hui, on est tout de suite happé par ce qui se passe. Et effectivement, Mendoza, mais il y a aussi Pissarro qui est en toile de fond, et puis les Olmecs quand même à la fin qui font aussi très très peur, et puis plus tard effectivement les empires asiatiques dans les saisons ultérieures. Il y a vraiment c'est vraiment une série historique dans le sens noble du terme, tel qu'on n'en voit plus et beaucoup. Et d'ailleurs en parlant d'histoire, on est vraiment à fond dedans, c'est-à-dire que autant Eric que moi, donc les autres scénaristes et les gens avec qui je travaille, on a énormément tout le temps cherché de la documentation pour être au plus près de comme sur la première série où on était vraiment dans toute cette période des conquistadors, donc avec des personnages historiques, Pissarro, etc., qui existaient vraiment. Et nous, on a essayé de chercher aussi des personnages d'être dans la réalité, dans l'histoire, pour que ce soit pas complètement décalé et qu'on ait vraiment une quelque chose qui soit tangible et sur lequel on peut vraiment poser nos histoires dessus. Quand on a fait l'exposition au musée Guimet, les conservateurs étaient étonnés de toute la documentation qu'on avait et comment on était aussi près possible de la déconstruction qu'il y avait à l'époque, donc en Chine au XVIe siècle, de l'habillement qu'il y avait, etc. On était très fiers de tout ça parce que justement ça collait vraiment bien à la période et ça nous a beaucoup servi, nous aussi, pour trouver le look des personnages, etc., bien entendu. Ce qu'avait fait aussi Kaneko dans les années 70, quand au départ, avant les Cités d'Or, il y avait une autre série qui avait été initiée qui s'appelait Marco Polo, oui. Qui mélangeait effectivement le côté documentaire, et donc ils étaient partis avec la section documentaire de la NHK, ils étaient partis en Amérique du Sud tourner ces documentaires. Il se trouve que Marco Polo ne marche pas et qu'ils décident d'utiliser ces documentaires-là pour créer tout ce qui va raconter ce qui est dans l'épisode. C'est ça qui est important pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est que le documentaire à la fin est toujours en symbiose avec l'intrigue de l'épisode, sauf dans les 13 derniers épisodes. Voilà, parce qu'ils n'étaient pas prêts, en fait, tout simplement. Ils ont été plus vite. Et ils n'ont pas trouvé Dolmec qui pouvait témoigner. Mais c'est vrai que c'est ce qu'a fait Kaneko. Il s'est renseigné à fond. Et ça, c'est l'apport, effectivement, japonais sur la partie documentaire qui est indéniable et qui fait aussi le charme des Cités d'Or. Et là, je vais m'adresser à Éric Polmaret, le scénariste des Cités d'Or. Hein. On s'était le dit, hein, il fallait que je le dise à chaque phrase. Faut le rappeler. sur l'écriture de Bernard Derriez, parce que il écrit pas Bernard. Il réalise. Oui. Alors le c'est Jean Chalopin. Ouais, c'est plus Jean. C'est plus Jean Chalopin. Alors sur ce côté leitmotiv assez récurrent dans leur œuvre commune avec Ulysse 31, Jace et Conquérant de la Lumière, sur le père qu'on recherche. Ou le père absent. Il y a un truc quand même. Ah, je connais pas assez bien Jean Chalopin pour pouvoir vous dire si lui-même a vécu ça dans son enfance. C'est peut-être un traumatisme vécu par lui-même. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez récurrent dans ses dessins animés. Il le dit lui-même d'ailleurs. Alors en même temps, c'est toujours une bonne piste pour un scénariste. Le père qu'on a perdu. Bah oui, parce que la mère, c'est difficile. La mère, dans l'esprit d'un gamin, elle est là. Oui. On grandit dans l'ombre de sa mère. Le père, on sait pas trop. Il y a plein de gens qui disent bah oui, avec la charge mentale évidemment. Voilà. On sait pas, mais moi je sais pas où il est. Ouais. Donc ça laisse des portes ouvertes, le père. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément d'œuvres autour de cette idée. Qui est mon père? J'ai besoin de savoir. Donc ça, c'est encore une fois assez classique. Donc les pères absents, en fait, ils le font juste pour laisser aux artistes la possibilité d'avoir des histoires à raconter. Je crois, ouais. Et je crois que c'est pas bête, en fait. C'est le père aventurier. Je crois qu'en plus, Kaneko et Derrière ses chalopins l'ont réitéré. C'est dans un autre dessin animé qui vient après, qui s'appelle Pole Position. Oui. Et qui est un très court dessin animé de 13 épisodes. Mais aussi, avec un générique culte aussi. Avec un générique tout aussi culte, on vous l'épargnera, mais très culte. Et effectivement, où c'est trois frères et sœurs, je crois, qui sont au volant de voiture. Et c'est effectivement la dernière alliance de Kaneko avec Darius et Chalopin. Et puis ils ont essayé de le refaire avec les jumeaux du bout du monde. Pour TF1, qu'on préfère oublier, mais qui était exactement une espèce de décalque des Cités d'Or, mais qui se passait au 19e ou tout début du 20e. Donc on peut imaginer un crossover où tous ces pères absents sont réunis ensemble. Ah, ils sont quelque part à la taverne. Ils parlent de leur famille disparue. J'ai envie de voir le monstre aux plantes avec les Cités d'Or. Chez toi, je sais pas, on en a été combien de saisons. Et Alexandre Letraine, quel était le paysage des dessins animés, de l'animation française à cette époque? Quasiment désert, en fait. Jacqueline Joubert avait un vieux rêve. Elle aurait aimé que Récréa 2 devienne un paysage dans lequel il y aurait que des dessins animés français. Donc les dessins animés japonais auraient servi un petit peu de tremplin en attendant qu'on puisse produire des dessins animés. Je crois qu'elle va y arriver à une seule reprise, c'est avec Clémentine. En 1985 ou 86. Mais jusque-là, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est ou le fruit de coproduction, ou alors ce sont les programmes jeunesse comme on a connu dans les années 70. Il y avait Oum le Dauphin, peut-être, mais je ne suis même pas sûr que ce soit une production française. Ça aussi, c'est un générique. Ça, c'est un générique culte. Mais il y en a très, très peu, en fait. Au départ, on l'a dit, il faut remplir les créneaux. Donc, on n'a pas beaucoup de dessins animés. Que des petits studios, genre, ou des anciens studios, genre Jean Image, des choses comme ça qui faisaient. Je ne me rappelle plus, c'était un truc super connu. Enfin, c'est l'époque que j'ai dû voir quand j'étais gamin. C'est vraiment avec le plan image de Jack Lang qu'ils ont, je crois, j'ai bossé avec un réalisateur quand j'étais encore assistant réal, avec Michel Gauthier, qui m'a expliqué qu'ils avaient pris tous les gens qui gravitaient autour de l'animation en France, ils les ont mis dans un 747 et les ont emmenés tous au Japon, à Tokyo, pour aller faire une visite guidée de toutes les boîtes de dessins animés japonaises, pour voir un peu comment ça se faisait, et on voit que maintenant, 40 ans plus tard, la France est le troisième producteur mondial de dessins animés, c'est quand même impressionnant. Peut-être Albert Barillet avec la saga Barillet, Il était une fois, La vie. Ouais, lui, il était déjà là. Il était déjà installé. Alors, ça fait des années que dans les messages que je reçois, vous réclamez un blockbuster sur les Cités d'Or, donc j'imagine que vous avez des tonnes de souvenirs à partager sur cette série. Donc vous pouvez appeler notre répondeur, je vous redonne le numéro 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20. Muriel Pérez, la programmatrice musicale de l'émission, m'a fait un petit cadeau. Elle nous a donné, comme ça, le tout nouveau morceau de la jeune prodige Billie Eilish avec My Future. I can't seem to focus when you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. Changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I'm in. Just wanna get to know myself. I know supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. Someone. C'était Billie Eilish qui va pas beaucoup mieux avec My Future. Qu'est-ce qu'elle est bien réalisée cette émission. On dirait l'œuvre de Céline Hila. Et cette manière de bouger ses doigts sur la console son à vue de nez, je dirais qu'elle a technique, c'est Léo Prangère. Blockbuster, Frédéric Sibylis. I am your father. Sur France Inter. Alexandre Le Trenne. Oui. Il y a aussi, dans les Cités d'Or, la musique qui a joué un rôle absolument prépondérant. La musique de Shuki Levy et Rahim Saban. Vous dites Rahim Saban? Bah, je crois que c'est ce qu'on dit. Il me semble j'avais entendu. Ouais, il se dit comme ça. C'est un comme monsieur. En Chine. Oui, mais je crois que c'est comme ça que j'ai entendu qu'on le prononçait. Et c'est bien, sûrement. Et c'est peut-être bien. mais alors, c'est quelqu'un que deux générations d'enfants connaissent, Rahim Saban. Et les plus jeunes, ils le connaissent parce que c'est lui qui importe les Sentai de Japon et qui lance les Power Rangers aux États-Unis. Voilà, et les Bioman. Les Bioman et tout ça. Voilà. Et c'est en voyant Bioman qu'il les importe. Et puis avant, Rahim Saban, il vient d'Israël. Il est venu en France. Il s'est occupé d'un jeune garçon qui s'appelle Mike Brandt. Et puis, il va produire surtout le 45 tours du deuxième générique de Goldorak, exactement, chanté par Noam. Et puis, du coup, il va s'associer avec son partenaire Shuki Levy, et ils vont devenir notamment à la tête d'une grosse boîte de production. Ils vont faire beaucoup de génériques en France. C'est à eux qu'on doit les génériques français de Pour l'amour du risque, de Starsky Hutch et de tant d'autres. Et c'est surtout eux qui vont travailler avec Derriès et Chalopin sur l'excellente musique de Ulysse 31, qui est magnifique, incroyable, bande originale. Incroyable. Et donc, ils vont être appelés justement pour composer la musique des Mystérieuses Cités d'Or. Version française. Parce qu'effectivement, il y a eu un gros désaccord entre les Japonais et les Français sur la façon, la majesté que devait prendre la musique. Et du coup, il y a une bande originale au Japon et il y a une bande originale ici. Je trouve effectivement est très réussie pour avoir entendu des bouts de la version japonaise qui est beaucoup plus marquée années 70-80. Enfin, il n'y a pas cette... Oui, puis là, il y a vraiment un thème par personnage. Je crois qu'il y a 2 heures à peu près de bande originale qui ont été construites sur les Cités d'Or à l'époque, sur la première version. Et ce que je trouve, c'est qu'effectivement, la nouvelle série a su rendre hommage à cette musique tout en la modernisant. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça fait partie aussi de l'héritage et de la non-trahison de l'œuvre des deux dernières saisons, pour l'instant, en attendant la quatrième. Et cette majesté et cette puissance de la bande originale des Cités d'Or qu'on peut écouter, là on l'entend depuis tout à l'heure, mais on peut l'écouter sans problème, indépendamment du dessin animé. Et alors, il y a le générique, évidemment, qu'on a entendu en début d'émission, avec Jacques Cardona. Jacques Cardona, ouais. Qui n'en est pas non plus à son coup d'essai dans les chansons de dessin animé. Oui, mais enfin, tout sur les dessins animés, tout sur les Cités d'Or, on a affaire à des gens qui connaissent aux États-Unis, au Japon, pardon, le studio Pierrot qui est à la manette pour toute l'animation du dessin animé. C'est un studio qui a produit Belle et Sébastien, qui a produit Nils Holgersson. Donc, on n'a que des gens qui sont chevronnés. Et effectivement, sur les Cités d'Or, on a alors, ce groupe Apollo qui est un nom un peu étrange, mais effectivement Jacques Cardona qui a donné toute la puissance vocale à ce dessin animé et à ce générique qui en fait certainement peut-être un élément aussi connu que le dessin animé lui-même. Et alors, les Japonais ont eu certaines difficultés, enfin c'est ce que j'ai lu, à animer les personnages tels qu'ils étaient dessinés par les Français. Est-ce que vous avez, quand vous avez rencontré Derriès et Chalopin, est-ce que c'est comme ça qu'ils vous ont rapporté les faits? Bernard me disait que il y avait déjà des designs qui avaient été préparés, travaillés au Japon. Et pour que ça passe mieux, entre guillemets, à la télévision française, d'après lui, il essayait de raboter un petit peu les mentons qui étaient très pointus dans la version japonaise, des personnages qui étaient très pointus, et de rapetissir les yeux pour faire des yeux un peu plus à la française, alors qu'à cette époque-là, même encore maintenant d'ailleurs, les dessins animés japonais ont toujours les personnages ont toujours des yeux énormes. Donc il a essayé à chaque fois, je pense, de refaire un petit lifting par-ci par-là pour essayer de... Oui, puis on lui doit aussi notamment le style graphique du Solaris, le bateau. Il me semble qu'il m'avait dit qu'en fait, au départ, il était en bois. Et que lui, il l'a fait donc en or, en oricalque, pour que ce soit un peu plus raccord avec le reste de l'histoire. Et notamment avec cette voile mythique qui est panneau solaire. Et qui... rappellent certaines chartes graphiques d'Ulysse 31 dans les combinaisons. On retrouve des similitudes. Alors moi, du coup, j'étais déjà en train de me dire, c'est dans le même univers, Ulysse, ça se passe avant, et je m'étais fait ma mythologie personnelle. Tout était lié. Je me suis dit, même dans Ulysse 31, on dit que le personnage de Ulysse est inspiré par le physique de Jean Chalopin. Jean Chalopin, si peu, avec cette espèce de grande barbe. Et puis, pourquoi il y a aussi tous ces éléments un peu fantastiques? Parce qu'on parle de Solaris, qui est cette espèce de grand bateau solaire, mais il y a aussi le Grand Condor, qui est quand même un avion, un espèce de, comme un avion. Et en fait, c'est parce qu'on est en 83 et qu'il y a un petit film qui est sorti quelques années auparavant qui s'appelle Star Wars. Et il faut disséminer ici et là, dans les productions, des éléments de science-fiction. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. C'est presque un élément un peu opportuniste, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui fait rêver les gamins. On parlait tout à l'heure de cet esprit d'aventure, de ce grand film. Mais quand on voit le grand condor qui est immobile et qui d'un seul coup prend vie et déploie ses ailes, mais c'est des moments qui sont d'ailleurs mémorables. C'était même des sortes de tragédies personnelles quand il ne fonctionnait plus et qu'il était obligé de se reposer et qu'il continuait à pied. Et on était là, non, mais faut pas laisser un engin pareil comme ça, faut le récupérer. Non, mais au moins un antivol. Non, parce qu'en plus, c'est vraiment une époque où on n'était pas encore complètement dans une forme de décroissance en termes de moyens de transport. Les véhicules, c'était sacré. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois ça dans les dessins animés, mais il y avait les vaisseaux dans Ulysse 31, il y avait les voitures dans Masque, Tonnerre Mécanique, K2000. C'est-à-dire que c'était une grande partie des années 80 tournait autour des véhicules. Des super véhicules. C'est un vrai fétichisme. Et ce qui est celui-là était solaire, le Condor. Celui-ci était solaire. C'est quand même en avance super sur écolo. Ouais. Oui. Quand on l'a modélisé en 3D le Condor, donc on a repris par rapport on a redesigné un petit peu le Condor pour le faire un peu plus moderne, dans l'air du temps, je dirais. Et par contre, on a gardé les mêmes proportions, etc. C'est-à-dire qu'il est un peu foutu comme le Concorde. Il y a une toute petite poste de pilotage avec un corps énorme derrière. Dans le Concorde, on met des gens. Dans le Condor, on met pas grand-chose pour l'instant. J'ai tout prévu pour qu'on puisse s'en servir, mais bon, en fait, on s'en est jamais servi. Mais en tout cas, les proportions sont énormes. Il a la taille d'un Airbus. Donc, c'est pour le cacher, celui-là. Il avait la folie des grandeurs. Ouais. Alors que le poste de pilotage est tout petit, on peut tenir à même pas 10 dedans, quoi. Sancho et moi, nous partons demain pour le nouveau continent à bord de l'Esperanza, à la recherche d'une ville tout en or. Fabuleuse ville tout en or. Dans cette ville, tout est en or. Les rues, les maisons, les toits des maisons, absolument tout. Il y a des rues en or. Des maisons en or. Dis donc, Pedro, dans ta ville fabuleuse, si la bière aussi est en or, ça doit être gênant quand on a soif, non? Vous venez d'entendre Pedro et Sancho doublés par Francis Lax, qui double aussi Han Solo. C'est-à-dire que et Hutch, Magnum, c'est énorme. Et aussi Jacques Ferrière, qui lui doublait Rigel dans Goldorak. Ben c'est pas mal. C'est pas mal. Et je voudrais pas qu'on nous en veuille, alors je voudrais quand même citer Odile Schmidt. Évidemment, parce que Tao, qui était aussi la voix donc de Eva Longoria, et je le dis parce qu'effectivement elle nous a quitté là à la fin du mois de mars, c'était une super comédienne et que la voix qu'elle donne à Tao est évidemment emblématique. Voilà, Tao qui d'ailleurs au départ devait pas s'appeler Tao, il devait s'appeler Lao. En hommage à Lao Tzu. Donc mais voilà, les voix de cette époque-là, et notamment dans c'était des comédiens incroyables même en dehors sur scène, on pouvait les voir briller et c'est vraiment ça qui a infusé dans toute la série. Les puristes diront toujours que effectivement il peut y avoir une forme de trahison parce que c'était une époque aussi où le doublage se faisait aussi un peu en s'adaptant au dessin qu'on avait. Là en l'occurrence, c'est une vraie création, donc on peut les saluer, c'est eux qui ont créé vraiment l'âme, qui ont donné l'âme à ces personnages là et Pedro et Sancho qui sont l'élément un peu plus comique d'une histoire quand même qui est quand même très très très très très lourde mais qui est intéressante. C'est des personnages d'ailleurs, vous avez dans le nouveau dessin animé, on a retrouvé l'esprit de Tao et Sancho. Et justement, parlons-en, parce que vous avez évoqué la trahison, et c'est vrai que moi qui suis beaucoup de franchises, et qui des franchises qui survivent au passage du temps, je vois souvent des nouvelles générations qui s'intéressent à certains dessins animés. Il y a plusieurs générations de fans de Star Wars, plusieurs générations de fans de Dragon Ball, et plusieurs générations de fans des Cités d'Or. Et avec le même schéma à chaque fois, les nouveaux aiment les nouvelles saisons et les anciens disent non, c'est une trahison. Donc comment vous l'avez vécu? Parce que ça a quand même été assez compliqué. Ah mais ça a même été violent. Violent. Par moments, on a eu des menaces. Hein, de masse physique. On a eu des, il y a eu des trucs sur Internet. Toujours dans la mesure. Non, mais c'est hallucinant parce qu'on n'y croit pas. On fait du dessin animé quand même, faut le préciser. Hein. Et on avait des types qui disaient, ouais, on se donne rendez-vous. Là, j'ai eu l'adresse de Blue Spirit. On se donne rendez-vous comme ça devant la porte et on les chope quand ils sortent. Alors, outre le fait que c'était pas la bonne adresse, mais enfin bon, je sais pas le bon gars qu'on a. On a une pensée émue pour celui qui habitait à la mauvaise adresse. C'est ouais. Ça, ouais. N'a pas aimé comment t'as dessiné. Mais je sais pas dessiner, ça se voit. Mais je suis bon chaud. Et on a eu des trucs comme ça, quoi. Des. Bon. Bah, alors, à l'époque, en plus, on sortait un petit peu de la deuxième trilogie Star Wars. Donc, on relativisait parce qu'on savait ce qui s'était passé. Et Lucas avait eu cette phrase magnifique. Quand on lui disait, mais ouais, Jar Jar Binks, tout ça, les fans sont remontés contre vous. Et il avait dit, écoutez, je tiens à remercier les fans pour leur soutien absolu pendant toutes ces années, mais je voudrais leur rappeler une chose, c'est que s'agissant des Star Wars, il n'y a qu'un seul patron, et le patron, c'est moi. C'est Disney. Maintenant, c'est Disney. À l'époque, c'était encore lui. Et je crois que c'est un peu le problème des fans, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sentent propriétaires du truc. Il y a même eu un mouvement aux États-Unis pour réclamer une espèce de droit juridique sur les séries qu'ils aiment. Enfin bon, c'est et par moment, bon, c'est nous, on est sur les Cités d'Or, on était un petit peu les imposteurs. Quoi. Et alors, Éric Pelmarais, vous avez décidé de changer de nom à quel moment? Ben justement, au moment où on a commencé à donner mon adresse sur Internet. Parce que ça, c'est vraiment arrivé. Mais même quand ils savent pas que t'habites. Et Jean-Luc François, qu'est-ce qui vous a donné... C'est pas mon vrai nom non plus. Hein. Oui, bah non, mais on préserve l'anonymat. Avoir trois prénoms, Jean-Luc, François. Non, mais oui. Enfin, franchement, oui, on sait qui croit. C'est quand t'arrives tu nom, mais t'as pas tout gardé. Non, ou alors les tueurs en série aussi ont plusieurs. donc je vous demanderai pas ce que vous faites de votre temps libre, mais Jean-Luc François, comment vous est venue l'idée Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais est-ce que c'est TF1 qui a demandé une suite aux Cités d'Or ou Non, est-ce non, que c'est vraiment, je pense, il faudrait redemander à Eric, mon producteur. Je pense qu'au début, c'est venu entre lui et Bernard Derriès, d'une discussion comme ça. Après, il m'en a parlé. On a commencé à travailler dessus. On a commencé à faire des designs. Je me souviens, les premiers designs que j'ai montrés à Jean, il les a regardés en 0,3 seconde alors qu'il y avait 3 mois de boulot, en disant que c'était de la merde. Donc c'était assez les premières réunions ont été assez compliquées, puis au fur et à mesure il y a eu on a commencé à se dire bah tiens, on tient quelque chose graphiquement, scénaristiquement parlant. Le développement a été long. Et on est passé par tout un tas d'étapes graphiques complètement différentes. On a commencé à travailler avec un autre logiciel, dans un autre style graphique. On a voulu faire un pilote, puis à un moment on s'est dit non, c'est de la merde, on change. Et tout le processus de création au départ a été compliqué. Puis d'un seul coup, la confiance mutuelle a fini par naître de tout cette micmac de recherche, d'engueulade, hein, mais on n'avait jamais été jusque-là, on ne s'est pas battu non plus, je crois. Hein. Mais non, il y a les fans pour Il y a vraiment eu beaucoup de recherches, beaucoup de discussions avec Jean, avec Bernard, avec Eric, avec tous les gens qui travaillaient sur le projet pour arriver à ça. Quoi. Et pour une saison, c'est combien de mois de travail, beaucoup combien de personnes sang, de pleurs et de larmes et de sueur. Maintenant, on essaye de tenir ça dans 2 ans à peu près, quoi. Voilà. Pour une saison, il faut 2 ans. Pour une saison, mais ce qu'on compte, c'est sur les 2 ans, on est vraiment dans la fabrication, c'est-à-dire à partir du moment où on attaque pour de vrai, on a déjà des scénarios de prêt, on a déjà des designs de prêt, on a déjà le pipe pour fabriquer tout ça qui est prêt. Qu'est-ce que le pipe ? Le pipe, c'est la technique qu'on va utiliser et toute l'arborescence qu'il va y avoir entre le scénario et la sortie des images et le PAD, le prêt à diffuser. Oui, on a les mêmes termes. qu'on donne à la télévision, quoi. Donc, c'est toute cette technique qu'on va mettre au point, le logiciel, comment on va faire les animatiques, comment on va faire le son, comment, etc. Et Éric Paulmaret, est-ce qu'il y a un côté intrusif dans l'écriture ou est-ce que vous avez vraiment encore ce loisir d'être face à votre ordinateur ou votre feuille blanche parce que vous êtes peut-être un amoureux de l'écriture directe ou est-ce qu'il y a vraiment un cahier des charges avec une Bible très très lourde à suivre ? Oui, les Cités d'Or, c'est d'abord un héritage. Alors au départ, un petit peu comme pour les dessins, Jean Chalopin était très regardant, parce qu'il ne voulait pas qu'on trahisse son bébé. Et puis là encore, la confiance est installée, puis après on a été beaucoup plus libre. Mais on avait intégré les codes. Moi-même, j'avais intégré les codes. Donc comme en plus, je connaissais bien la série pour l'aimer. Et puis j'avais envie de lui rendre hommage aussi. Et les personnages, je me les suis appropriés. Et j'ai réussi à les faire vivre en fait comme s'ils venaient de moi. Mais parce que je m'étais approprié les choses, en fait. Donc il y a très peu de moi, personnellement, dans ce qui a été écrit dans les Cités d'Or. Je suis déçu. Mais je maîtrise les codes. Et alors, je sais que c'est toujours une question un petit peu difficile à demander à des parents, mais est-ce qu'il y a un de vos personnages que vous affectionnez tout particulièrement dans l'écriture? C'est Pedro et Sancho. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Quand je lis des fois, certains dialogues que tu as écrits qui me font encore mourir de rire. Quoi. Parce que ces deux-là, en fait, ils ne sont pas du tout taillés pour l'aventure. Ils n'ont pas à être là, en fait. Et c'est ça qui les rend tellement attachants, c'est qu'on a envie de les protéger, bizarrement. Mais ils sont pas à la hauteur, mais ils sont toujours là. Et ça, à mon avis, c'est les meilleurs personnages de la série. Alors, juste après la chanson, Guillaume, un joueur, va gagner. Enfin, je veux dire, Guillaume va participer au jeu. Mais pour le moment, on écoute Bonnie Banane avec la lune et le soleil. Attendez, mais qui est ce mystérieux Esteban ? C'est un orphelin qui a été élevé par le père Rodriguez, le supérieur de la cathédrale. Décidément, je n'y comprends rien. Le soleil aime la lune quand même. Même si ça ne se voit pas, c'est sûrement mieux comme ça. Ouh, je m'éveille après un long sommeil. Oups, tu n'es plus là. Oh, les aléas. Je retire ce que j'ai fait, comme si de rien n'était. C'était Bonnie Banane, la lune et le soleil, et j'en profite pour vous dire que cette émission a été préparée par Jeanne Paravert et Alice Delcourt, et aidée par notre stagiaire Tom Malky. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Guillaume au téléphone. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, vous avez, j'imagine, regardé les Cités d'Or plus jeune. Vous regardez encore les nouvelles saisons? Oui, j'ai découvert les Cités d'Or quand j'étais gamin. J'avais quoi, 6 ans. Ouais. C'est vraiment ce qui a fondé mon imaginaire dans l'aventure, les voyages, les tempêtes. Et puis maintenant, je regarde avec ma fille, quoi, qui a 4 ans et demi. On a regardé 2 fois la saison 1 pendant le confinement. Et là, on a attaqué la saison 2. On en est à la moitié. Ah ben voilà, la transmission. Je vis pour ces moments. Vous connaissez le principe du jeu, j'imagine? Oui. Bon, de toute façon, c'est pas dur. Vous posez une question, vous avez 20 secondes chrono pour y répondre. Et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez utiliser un joker, c'est-à-dire demander à une personne autour de la table de répondre à votre place. D'accord. C'est bon? On y va. C'est bon. Première question. De quel roman s'inspire la série des mystérieuses cités d'or? En français, c'est La Route de l'or, je crois, de Scott Odell. Oh là là là là, bah oui, c'est ça. Bonne réponse. Bon. Question suivante. Combien d'épisodes comptait la première saison des mystérieuses cités d'or en 1982? Alors, c'est un choix multiple. 26, 39 ou 78? Ah, c'est 39. Eh bien oui, en 82, la série comptait 39 épisodes. Bon, bah alors là, je crois que ça va être extrêmement facile, hein, ça va être plié. Dernière question, comment s'appelle le personnage que vous allez entendre? N'oublie pas l'honneur du peuple de Mu. N'oublie pas l'honneur du peuple de Mu. Gérard Collomb. Non, c'est le perroquet Pichou. Eh bien, c'est un sans faute. Écoutez Guillaume, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. C'est un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous Guillaume. Au revoir. Au revoir. Alors, Jean-Luc François, on a parlé effectivement des doubleurs de la première saison et je vous ai vu comme ça trépigner sur votre chaise en disant « Oui, mais les doubleurs de la deuxième saison, il faut en parler aussi voilà, parce qu'ils sont talentueux, c'est vrai. » Merci. Je voudrais parler de tous les comédiens avec qui je travaille sur cette sur cette trilogie et leur rendre hommage parce que c'est vraiment des super comédiens. Et juste pour expliquer un peu la technique, c'est on enregistre les voix avant, c'est-à-dire qu'on enregistre les voix avec le storyboard et donc les animateurs ont les vraies voix des comédiens pour animer les personnages et ça les aide beaucoup et c'est pour ça qu'on a, je pense, aussi une belle animation. Donc Esteban, c'est Audrey Pic, Zia, c'est Adeline Chetaille, Tao, c'est Caroline Monzon, Sancho et Pedro, c'est Jérémy Prévost qui fait les deux personnages, Mendoza, c'est Bruno Magne qui a une voix magnifique et qui fait aussi la voix des documentaires à la fin, et Pierre-Alain Garrigue qui fait Ambrosius et Zarès en même temps aussi. Donc lui, il fait deux personnages, ce qui est très physique quand même, mine de rien, pour un comédien. Et Caroline, qui fait la voix de Tao, est tout le temps obligée de truquer, entre guillemets, sa voix pour avoir une petite voix comme ça. Et c'est très compliqué d'arriver à donner des nuances, à donner de l'émotion, etc. Et je pense que c'est elle qui aussi est assez le plus fatiguée avec Pierre-Alain Garrigue et Jérémy. Mais lui, il est infatigable. En fin de journée, les enregistrements, c'est quand même très physique et dur, quoi. Éric Paulmaret, vous disiez qu'on avait effectivement en France la chance d'avoir des écoles de doublage dont on ne parlait pas encore assez. Oui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire des séries, en France, on se rend compte que certaines séries doivent leur succès au doublage français. Je pense par exemple à Amicalement Vôtre, par exemple, qui est frappant. Même Starsky et Hutch. Parce que justement, les comédiens français en rajoutent. Columbo. S'amusent. Bah, Columbo avec Jean-Pierre Sauvion ou Serge Chauvion, et tout ce qu'a fait Roger Carrel, que je salue d'ailleurs, il a arrêté sa carrière maintenant, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer et discuter de sa carrière avec lui, discuter avec... Astérix. Avec tout le monde, avec Kermit, avec, c'est assez fabuleux. Quoi, c'est... Merci beaucoup, merci d'avoir évoqué ce métier merveilleux de comédien de doublage. D'ailleurs, je compte bien faire un blockbuster sur le sujet dans une saison prochaine, si saison il y a. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Merci à vous tous, merci au réalisateur Jean-Luc François, le journaliste Alexandre Le Trenne et le scénariste Éric Paulmaret, scénariste des Mystérieuses Cités d'Or, non? Absolument. Mais oui, absolument. C'est bien de le rappeler. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI.